la solitude prend que la plus terrible angoisse refond soudainement surface pour nous rappeler qu'on perd notre temps. Et pourtant, pensant à autre chose pour oublier nos peurs, nos frayeurs, nos tourments, on néglige l'avertissement et le temps ne cesse d'être gaspillé. Oui, j'ai tordrement tété, il serait peut-être temps d'agir. Oui, je sais, mais c'est bien facile à dire et je me trompe encore. Il y a bien une chose à retenir de cette angoisse poignante de la mort, c'est qu'on attend et tant de choses à accomplir. Il faut agir tant que l'on peut manier notre corps. Oui, car on nous a confié cette incroyable machine pour accomplir tous nos plus grands desseins. Elle va jouir d'une mécanique aussi fine et d'un signe d'ingratitude quant au fait d'être humain. Oui, j'ai tort d'agir comme j'agis. J'aimerais parfois changer de voie, vaincre cette apathie. J'aimerais parfois cesser d'être moi, car je me trompe encore. Je me trompe encore. Mais le bonheur, l'ataraxie, ne peut s'atteindre qu'à un certain prix, celui de nombreux sacrifices, et il faut savoir résister aux vices. D'ordonner mes fautes, de céder à la tentation, et je voudrais qu'on m'ôte des veines cet infâme poison qui est ma faiblesse. Donnez-moi plutôt l'ivresse. Je me trompe encore.